êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Laurie Gauvin nous présente son Tout ce qui est musical mensuel. Michel Lebrun discutera du système judiciaire dans sa chronique panier à salade. Et le grand retour de Kiwan la liberté et son segment Kiwan en cavale. C'est Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 19 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi-même, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et tu prends soin de tes membres. Semblerait-il, je les aime chocolatés. T'as des coupons de podiatre, de pédicure et de manicure. Ouais. Ben, je suis arrivé en studio puis ça traînait. Je sais pas si c'est un message. Est-ce que je pue? Est-ce que tu trouves que ma peau est pas soyeuse? Non, est-ce que t'as pris ta douche ce matin? On dirait que t'as les cheveux comme... Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai encore un problème de pression, hein, je tiens à te le dire. Parce que hier, on en parlait hors d'onde. J'ai juste un petit filet d'eau. C'est pas pratique, là. Surtout pour faire la vaisselle. Quand tu fais pipi sur ta vaisselle, c'est un... Ouais, j'ai juste un pression dans le pipi. Pression. Je cherche un médecin de famille. c'est triste, faire la vaisselle et prendre sa douche, pas de pression. Non, c'est ça, on improvise. Comme dit le rappeur, sans pression, tu sais. Ouais, c'est ça. Le rappeur, c'est plus sans pression. Ouais. Tout en train de dire, coudonc, ça sort pas. Ça sort pas. Aujourd'hui, à l'émission, Jean-Philippe, on a la chronique mensuelle de Laurie Gauvin. Elle est avec nous une fois par mois et c'est rare qu'on l'a, on l'apprécie quand elle est là. Puis c'est là. C'est aujourd'hui avec sa chronique Le Tout-Ski de Laurie. Mais faudrait pas rater ça. Ben, jamais de la vie, c'est à 7h30. C'est bientôt. Ensuite, à 8h, Michel Lebrun, qu'on a raté la semaine passée malencontreusement. On avait tellement de choses prévues qu'il a dû partir. Donc, on va être de retour avec une chronique panier à salade à 8h. Et à 8h40-45, le grand retour de l'ancien co-animateur d'Assemblage requis, qui voit la liberté. Est-ce que je dois comprendre un message? Ça veut dire que tu t'en vas. OK, bye. On va co-animer par téléphone. Oui, c'est ça. De l'Alberta. Tu pourras rester chez vous. Et ouais, ça va super. Sans pression. comme le rappeur. Donc, à 8h40, segment musical, Kiwan en cavale. Autour de ça, on va continuer notre série sur UQTR en spectacle 2013 avec un groupe, je sais que c'est un groupe aujourd'hui qu'on reçoit, qui vont nous faire une prestation en direct en studio, si j'ai bien compris le concept. Un groupe de deux, je pense. Un groupe de deux, ben c'est un duo. Ouais, c'est ça. Pas plus compliqué que ça, comme dans Duo Pinotti, là, les tartinades pour le pain. Là. C'est ouais, toi, t'en penses quoi, toi, de ça? Ça a l'air bon, mais le pot est comme 6$, là, c'est cher. T'sais. Ouais. C'est du luxe, là. C'est du luxe. Moi, j'ai des goûts de luxe dans la vie, hein, c'est connu. En tout cas. Et puis, on va avoir aussi des nouvelles de la boîte à images dans Television. Ah c'est oui. C'est ce qui s'en vient dans quelques aujourd'hui. Oh! Impressionnant quand même, hein? Quand même. Beau c'est cher. Oui. Ouais. Comment t'as dit? Je sais plus ce que j'allais dire. Je m'en allais dire, c'est chargé, mais on va avoir du plaisir. On va avoir du plaisir. Pas trop de pression. Non, pas trop de pression. On se met pas de pression sur les épaules ou non, dans le pipi. Non, non. On débute avec Aline, une excellente pièce du palmarès francophone. Donc, la formation Aline, ça commence à l'instant, puis vous êtes à l'assemblage requis. Bon, c'était dit de même demain. Bête de même, voyons, non? Bon matin! Bon matin, là! les gens se réveillent peut-être. hirondelles de Aline. C'est bon. Ben oui, il y a un petit nid, là, deux hirondelles. Oh, wow. On demanderait à Aline de venir les chercher. Ah! À elle. Aline. D'oiseau. Aline. Ah, je sais pas. On s'en allait d'une part avec ça. Et là, on s'en va vers marche, vers la télévision. Comme dans le bon vieux temps, tourner le bouton. Up, twink. Et puis, channel flip. La télécommande à Phil. Oui. C'est qui déjà, Phil? Je le connais pas. Ah, c'est le gars qui est juste là. Et les blagues sont plates à matin. Et on va se réchauffer. On va se réchauffer. Voici Television. Donc, Television, vous l'aurez deviné, hein, c'est par association et par élimination la chronique télévision. Tu sais, une fois que tu enlèves tous les mots superflus dans le titre, tu trouves télévision et télévision. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, on commence avec une nouvelle qui touche YouTube. Sesame Street va bientôt être dans le club des superstars de YouTube, selon l'Associated Press. Donc, Sesame Street s'apprête à rejoindre des grands noms là, comme Justin Bieber. Hein? Dans le club des superstars de YouTube. L'émission de télé pour enfants se rapproche du cap du milliard de visionnements sur le site internet de partage de vidéos. Un exploit habituellement réservé aux stars de la pop et aux vidéos de chats. Donc Sesame Street a décidé de marquer l'événement avec une campagne qui l'aidera à franchir les derniers millions de clics. L'émission mettra en ligne jeudi une vidéo mettant en vedette le personnage Telly Monster qui demandera aux visiteurs de l'aider à procéder aux derniers 20 millions de visionnements et ainsi rendre disponible une vidéo top secret. Les célébrations ne perdront pas de vue la mission éducative de l'émission. Ne soyons pas surpris si Count Von Count se pointe dans la vidéo secrète pour parler de l'imposant nombre qui est un milliard, probablement. C'est bien visé de la part de Associated Press. Maintenant, Netflix s'allie à DreamWorks pour créer Turbo. Oh. Donc, nouveau service de Netflix par abonnement. Vous connaissez Netflix, bon, c'est un service d'abonnement vidéo en ligne. Et ils ont indiqué qu'ils s'allient à DreamWorks Animation SKG pour créer sa première série originale d'animation pour enfants qui va s'inspirer du prochain film de DreamWorks, Turbo, portant sur un escargot qui obtient le pouvoir de filer à vive allure à la suite d'un accident. Le film est comptant sur la participation de Ryan Reynolds, de Paul Giamatti et Michael Pena, sort en salle le 19 juillet. La série est intitulée Turbo Fast pour Fast Action Stunt Team. Donc, la première lettre de Fast veut dire Fast. Tu es turbo sympa, tu sais. Ok, je connais pas. C'est ce que je connais. Donc, ça va être disponible exclusivement sur le site de Netflix en décembre. Netflix a ajouté de la programmation originale à son offre de films et diffuse depuis le 1er février la série originale House of Cards avec Kevin Spacey qui fait un gros succès. House of Cards était déjà vu comme un effort du nouveau joueur pour remodeler le paysage télévisuel avec le genre de projet prestigieux qui, jusqu'à maintenant, était réservé pour le câble, HBO, AMC et Showtime. Tout comme House of Cards, la série Turbo ne logera à aucune antenne et sera plutôt visionnée en ligne sur les ordinateurs portables ou sur téléviseur, sur console de jeux vidéo, partout. C'est ça le futur de la télé. Eh oui, c'est une bonne idée. Faut pas s'empêcher d'avancer, faut s'abonner à ça pour découvrir le futur de la télé. Et là, je dis n'importe quoi, puis vous comprenez que... T'as-tu une cote, toi? Comment? Est-ce que t'as une cote? Eh, hey, ce serait pas pire, hein? Ben oui, à chaque fois qu'on en parle en nombre. Je suis même pas abonné à Netflix, je devrais. Moi non plus. Ouais. Mais tu sais, non. J'ai pas assez de temps. Non, c'est ça, il y a tellement de divertissements dans la vie que les émissions que j'écoute sont des émissions des années 90, fait que je vais avoir du temps à perdre. Intel va s'attaquer au marché de la télé maintenant. Le numéro 1 mondial des microprocesseurs, l'américain Intel, travaille sur un décodeur permettant de proposer des films et autres contenus télévisés par l'intermédiaire d'Internet, concurrençant ainsi les services traditionnels par câble. Le groupe va cette année mettre une offre sur le marché qui lie la télévision en direct, les contenus à la demande et une nouvelle interface pour les utilisateurs. On confirme une annonce faite par le responsable média du groupe lors d'une conférence en Californie. Le modem d'Intel devrait être équipé d'une caméra capable de reconnaître l'utilisateur pour mieux personnaliser le service qui lui est proposé, ce qui pourrait toutefois créer des inquiétudes en termes de protection de la vie privée. Mais ça, le monde va capoter pour ça toutes les fois, là. À chaque fois. L'arrivée d'Intel sur le marché de la télévision fait l'objet de rumeurs depuis un moment déjà, tout comme celle potentielle du groupe informatique Apple. On parle tout le temps de la Apple TV, mais c'est déjà une Apple TV qui est une petite boîte qu'on connecte sur sa télé. On s'attend à une télé faite par Apple à un moment donné. Bon. Maintenant, on parle de casting un petit peu... j'aime mieux pas trop parler de casting, mais quand c'est des grosses affaires, je trouve ça intéressant. Sarah Michelle Gellar, qui rejoint la comédie de Robin Williams, dont on a déjà parlé, Crazy Ones, sur CBS. Donc, l'ancienne Buffy contre les vampires essaie de faire un retour à la télé. Encore une fois, elle s'est essayée avec Ringer sur CW. Ça a été retiré après une seule saison au début de 2012. Cette fois-ci, elle veut faire rire le public. Et elle a l'arme secrète qu'on appelle Robin Williams. Oh! Fait pas rire tout le monde, mais quand même. On dit que Geller a signé pour être la co-vedette de cette émission-là. C'est une émission à une seule caméra, là, un peu à la, à la modèle Arrested Development, Modern Family ou des trucs comme ça. C'est pas une sitcom classique comme, comme Friends, mettons. Et puis, c'est ça, qu'est-ce que ça dit aussi? Écrit par le vétéran de la télé David E. Kelly, celui qui a fait Ally McBeal. Un paquet d'autres émissions comme ça. C'est le producteur de l'émission cette fois-ci. Et puis, ce sera le premier retour à la télévision de Robin Williams depuis Mork & Mindy, qui s'est terminé en 1982. Voilà, on va voir. Kirstie Alley a une nouvelle émission, elle aussi. C'est Kirstie's New Show sur TV Land. C'est donc la vedette qu'on connaît entre autres pour Dancing with the Stars récemment. Elle va jouer une vedette de Broadway, Madison Banks. Aussi en vedette dans cette émission-là, sa collègue de Cheers. Je sais pas si tu te rappelles Cheers, ça se passe dans un bar. C'est une sitcom des années 80. Non, non, non. Bref, son ancienne co-vedette, Ray Perlman, qui va être aussi dans cette émission-là. Et puis aussi... co-vedette Michael Richards de Seinfeld, tu sais, le gars qui, c'était, qui avait été, disons, comment dire, il a créé la controverse il y a quelques années en étant extrêmement raciste sur scène lors d'un de ses stand-up. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Eh bien, il va être de retour, c'est celui qui jouait Kramer dans Seinfeld. Donc, là, le résumé de l'émission, Maddie Banks, qui sa vie vire à l'envers quand son fils, qu'elle a abandonné à la naissance, essaie de reconnecter avec elle, blablabla. Donc, c'est sur TV Land, c'est Kirstie's New Show. Une vedette de Harry Potter, Rupert Grint, celui qui jouait Ron dans Harry Potter, le roux, là. À cas le roux. Ouais. Donc, Rupert Grint, qui va passer de Harry Potter à une série sur CBS aussi, un peu comme Robin Williams. Super Clyde, en fait, c'est un pilote pour l'instant. Single camera, très à la mode, une seule caméra. La série d'une demi-heure qui vient du créateur de Raising Hope, et qui est un gros succès sur Fox en ce moment. Et My Name is Earl, qui n'a pas été un si gros succès sur NBC. Donc, Greg Garcia, qui est le créateur derrière tout ça. Et ça va centrer sur un employé dans un fast-food, donc Ron, Rupert Grint, qui devient un super-héros maison, selon The Hollywood Reporter. C'est la première, le premier engagement dans une série télévisée américaine pour Rupert Grint, qui jouait donc Ron Weasley dans les 8 films d'Harry Potter. Et le, c'est le premier des vedettes de Harry Potter à passer à la télé américaine. Voilà. Hamburgus. Abracadabras, c'est ouais, c'est comme un hamburger, puis... Ah, oh! Hamburgus. Oh, t'es frites avec ça, Rogus! Ouais. Ben oui, c'est un héros maison comme leurs frites. J'aime ça! Hey, moi, je vais t'en faire un scénario, tu vas voir. On est parti pour la gloire avec ça. Felicity Huffman prépare son retour à la télé, elle aussi, après 8 ans de succès sur ABC dans Desperate Housewives, beauté désespérée. Felicity Huffman retrouve un rôle au petit écran. L'interprète de Lynette continuera de jouer les femmes au foyer dans Boomerang, une émission pilote développée par la Fox. Là, femme à la maison, femme au foyer, diversifie tes rôles un peu, là, peut-être. Je sais pas si elle dirait qu'elle entre dans un genre de redondance. Je sais pas. Redonding. Son rôle de mère changera radicalement de celui qu'elle a endossé dans la série de Mark Cherry, Desperate Housewives, nous dit-on. Elle va incarner Margie Hamilton, matriarche d'une famille d'assassins pour le compte du gouvernement. Tu vois? On part juste un petit peu à droite. L'héroïne devra jongler entre sa vie de famille et son métier d'espionne dans laquelle elle est passée maître dans l'art du déguisement. Voilà. C'est la première actrice à être recrutée pour Boomerang. Ensuite, on en parle parce que... faut pas que j'en parle parce que c'est drôle. Est-ce que t'as vu la vidéo des satiriques par rapport à la voix? La voix. Non, je l'ai pas vu. Ils ont repris une fille qui chantait dans... La voix. Et qui criait un petit peu comme une folle. Donc, les gars des satiriques ont fait une parodie de ça. C'est une version gore de la voix. Et ça avait été retiré par TVA de YouTube et de Dailymotion. Donc, le réseau TVA est revenu sur sa décision de faire retirer les vidéos humoristiques, finalement, concoctées par le duo Les Satiriques et l'équipe du site La Clique du Plateau. La productrice Julie Schneider, qui dit ne pas avoir peur de l'autodérision, a précisé qu'elle n'avait pas été informée de cette demande. Et dans un communiqué, TVA a indiqué qu'elle avait demandé à Production J de faire enlever les deux vidéos, notamment sur YouTube et sur le site de La Clique du Plateau. Maintenant, je cite, TVA revoit sa position. La décision initiale se voulant d'éviter les préjudices auprès des artistes, des participants et des ayants droit de la voix s'est avérée une erreur puisque cette vidéo demeure une critique humoristique qui a sa place dans l'univers social. Fin de la citation. Mm-hmm. Ils sont passés à ça. De faire rire deux autres encore plus. Exactement. Donc, pendant la première des duels à la voix, l'équipe avait écrit sur Facebook cette page, et je cite, « De même que les textes, photos, vidéos, logos et marques de commerce qu'elles contiennent sont protégés en vertu des lois sur les droits d'auteur et les marques de commerce, il est strictement interdit de les reproduire et les utiliser en tout ou en partie à quelque fin que ce soit. Mm. » Elles sont légales, hein? TVA, faut pas que tu t'amuses, tu sais. Mais la vidéo, elle est donc de retour pas trop dur à trouver si vous cherchez la voix gore. Et ça vaut la peine parce que les gars, ils ont du talent dans le montage vidéo. On peut t'appeler ça genre les cordes vocales. Oui, ben oui. Tu sais, il faut pas reprendre le nom exact. Les voix ferrées. Les voix ferrées, oui. tiens, on retourne aux États-Unis un petit peu. Zooey Deschanel qui lance sa propre société de production. L'actrice Zooey Deschanel va passer derrière la caméra maintenant qu'elle possède sa propre société de production. Elle s'est lancée dans la production avec son amie Sofia Rossi, qui est à l'origine du site web Hello Giggles, en 2011. Elles ont déjà un succès à leur actif après avoir signé un contrat de 2 ans avec la 20th Century Fox Television, qui produit maintenant la série New Girl, mettant en vedette Zooey Deschanel. Grâce à ce partenariat, elles vont développer des comédies et des films. J'ai très hâte de voir ça. On a parlé un petit peu dans une précédente chronique Television, la série Hannibal, basée sur le film avec Hannibal Lecter. Donc, diffusée en avril sur NBC, c'est confirmé. À partir du 4 avril, la chaîne américaine va diffuser Hannibal, immortalisé au cinéma par Anthony Hopkins. Le cannibale sera incarné cette fois-ci par Mads Mikkelsen. Hannibal reprendra en 13 épisodes l'histoire d'Hannibal Lecter, personnage littéraire de Thomas Harris, interprété à maintes reprises au grand écran. Brian Cox, du Sixième Sens, le français Gaspard Ulliel, de Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Et surtout Anthony Hopkins, comme on le disait. Pour les besoins de la série, l'acteur danois Mads Mikkelsen reprendra ce rôle mythique, à l'héritage riche. Voilà, c'est la fin de la phrase. Le psychiatre entamera une relation avec un jeune profiler du FBI qui fera appel au célèbre cannibale pour les besoins d'une enquête sans connaître ses activités extra-professionnelles. Hugh Dancy de l'émission The Big C, l'émission sur le cancer, campera l'homme de loi, lui aussi tourmenté et fasciné par les tueurs en série. Lawrence Fishburne, grand nom de la série Les Experts. Gillian Anderson de Aux frontières du réel, Experts. Et Lance Henriksen de Appaloosa se grefferont à la distribution. Le public... Le dernier paragraphe dit que le public français va découvrir Hannibal plus tard dans l'année sur la chaîne Canal+, qui a acquis les droits de diffusion. Bon, c'est merveilleux, ça. Mais il réinvente pas la roue, là. Non. C'est genre contrairement à Ron Weasley qui réinvente le roue. Ben, tu sais, c'est quand... Je la trouve bonne. Merci. Ben, c'est comme un mélange genre de Dexter avec... Ah, bonne idée! Oui! Ah! Avec Hannibal. On dirait de l'autre fois. Bonne comparaison. Merci. Pour... Et ça pourrait devenir un hit comme Dexter. Ah, c'est bon, ça. Parlons du pape. Le pape? Let's talk about pape. Carl Chandler en archevêque. L'acteur américain actuellement à l'affiche dans les films Argo et Opération Avant l'Aube, qui est Zero Dark Thirty, rejoint Vatican, série produite par Ridley Scott pour la chaîne Showtime. Convoité ardemment par la télévision depuis l'arrêt de la série Les Lumières du Vendredi Soir, le Friday Night Lights, en 2011, Carl Chandler accepte finalement un rôle majeur au petit écran. Après avoir décliné une douzaine d'offres, son choix s'est posé sur Vatican, drame religieux que prépare Showtime avec l'appui de Ridley Scott. L'acteur se glissera dans la peau du cardinal Thomas Duffy, archevêque charismatique. Est-ce qu'on dit archevêque? C'est archevêque ou archevêque? En tout cas, bref. Charismatique et énigmatique de New York, dont les idées progressistes divisent la hiérarchie catholique. Dans cette série, dont l'épisode pilote se tournera en avril, Carl Chandler sera accompagné par l'Allemand Sébastien Koch. Qui s'était distingué dans la vie des autres, campera Marco Malerba, secrétaire d'État du Vatican, connu de tous pour être impitoyable. Le comédien sera le 20 février prochain à l'affiche d'une belle journée pour crever. C'est quoi déjà ça? C'est la suite de Die Hard. Good Day to Die Hard. Je suis allé voir d'ailleurs en fin de semaine. Pour vrai? Ouais. Et puis, tu veux que j'en parle? Oui, tantôt peut-être. Ok. Mais non, mais retiens ça, faut qu'on l'oublie. Les deux nouvelles recrues rejoignent Matthew Good, enrôlé la semaine dernière pour incarner le secrétaire et confident le plus proche du pape. Vatican proposa un regard sans phare sur les terres religieux et lieux de résidence du pape à Rome, célèbre pour son opacité. Créateur à Rome. À Rome. À Rome des femmes et la bien nom de Dieu. À Rome. Le roux. Quoi? Le roux. Le roux et la Rome. Non, mais il s'appelle Rome. Ron. À Ron. Ah ouais. T'es tellement songé. Non, elle était pas super. Pas vraiment. On la coupe au montage. D'accord. Créateur de Homicide ou Domicile, Life on the Street, et producteur de Dr. House, Paul Attanasio a imaginé l'intrigue de ce thriller décrit comme contemporain et provocateur. Ridley Scott produira et mettra en scène l'épisode pilote. Voilà pour Vatican. C'est bien à la mode étant donné la démission du Pep. Pep. Maintenant, j'aime beaucoup les Pep avec de la menthe dedans. Chocolat à menthe. C'est des pep. Pepperman. Donc, parlons des talk shows américains pour terminer pour la semaine du 18 février. On est mardi comme toujours, donc on saute le lundi. Qui retrouvons-nous cette semaine? David Letterman, mercredi, il y aura Hugh Jackman. Il y aura Michelle Williams ce soir, mardi 19 février. Ensuite, au Tonight Show de Jay Leno sur NBC. On retrouve Chelsea Handler demain, Arsenio Hall jeudi et qui d'autre? Pas tellement de monde connu, on dirait. Ah, il va recevoir, il recevait hier soir Kevin Eubanks, qui était son ancien leader de son groupe de musique au Tonight Show, qui faisait la chanson thème, tout ça. Il le recevait comme invité. Allez chercher ça, ça pourrait être drôle. Jimmy Kimmel Live, Anthony Edwards de Salle d'urgence ce soir. OK, retour. Kelly Ripa, jeudi. Et puis, à Craig Ferguson, on retrouve Lisa Kudrow de Friends, mercredi. Et puis, John Cryer de Two and a Half Men de Mon Oncle Charlie est ce soir. À l'émission de Craig Ferguson, retrouvez le reste de la liste sur assemblagerequis.com. Voilà pour Television Television. Et voilà. Pam, pam, pam, pam. Faut que je parle de Die Hard. Oui, une bonne journée pour crever, c'est ça? Oui. Ben, toi, est-ce que des fois les films un peu zéro moins? Zéro film. Non, Die Hard, de ma vie. Toutes les séries. Non, c'est pas vrai. J'en ai mais vu Die Hard, ça. Ouais. Die Hard, tu les as pas vu? Moi, j'aime ça. En fait, les anciens, avec ben, c'est encore Bruce Willis. Là. Oui, les, oui. Les trois premiers sont très, très bons. Il vieillit bien, Bruce Willis, quand même. Il vieillit pas. Pas pendant. Pas plus de cheveux. C'est comme quand j'ai parlé dans ma chronique là, de coup de cœur de Leslie Nelson. Yeah! Ce gars-là n'a jamais vieilli. Que j'avais. L'autre fond, c'était confus. Tu sais, toi, tu parlais de. On parlait de Leslie Nielsen? Leslie Nielsen, l'humoriste, acteur comique. Tu disais que tu le mélangeais avec le gars dans La Panthère Rose. Ça, c'est Steve Martin. C'est Steve Martin. Mais ma copine m'a rappelé que peut-être que tu mélangeais aussi avec Liam Neeson des films thrillers genre Taken. Peut-être. Liam Neeson, Leslie Nielsen. Ah, non. Non, même pas? Non. Moi, non. C'est mon cas des fois. OK. Lequel est le comique, lequel est le thriller? Le trailer. Non, moi, c'est vraiment plus. Ben, c'est parce que les deux, ils ont les cheveux blancs. Puis on dirait que les gens, ils ont fait. Oh, deux acteurs avec les cheveux blancs, ah, c'est pas possible. Colin. Mais revenons à notre Bruce. oui. C'est vraiment. Ben, en fait, les trois premiers sont très drôles. Ils tournent un peu à la dérision tout ce qui est service de police et ainsi de suite. Et puis, journaliste aussi. Donc, ça fait son charme. Et puis, on n'a pas du tout ça dans le dernier. Ah? C'est un bon film d'action. Mais si les gens pensent aller voir un Die Hard, moi, je dis que c'est pas un Die Hard que tu vas voir, mais c'est bien un film d'action avec Bruce Willis. Bah. C'est comme ça que je me suis senti en sortant. OK. Mais ça allait. Moyen, okay. Passable, adéquat. 6.5. 6.5? Ouais. Ben, ça, c'est sur 10. Sur 7. Sur 7, okay. Non, non, mais peut-être 7. 7 pour le divertissement, ouais. Mais si tu penses que c'est un Die Hard, c'est facilement 6. Bon. Voilà. D'accord. Puis tu sais tout. C'est bien. Merci. Merci. Ben oui. C'est la chronique Cinéma. Cinéma. Il va falloir trouver une chanson qui dit Cinéma dedans. Ouais, je peux chanter. Oui. OK. Cinéma. Cinéma. Sans pression, t'entends? Ah oui. dans quelques minutes, Laurie Gauvin, sa chronique de tout ce qui est de Laurie, c'est sa chronique musicale mensuelle. Pour l'instant, on écoute The Darkness. Voici With a Woman. Le 89 FM, c'est fou. C'est mieux que moi qui chante. Comment? C'est mieux que moi qui chante. Hanging on. C'était Keep Me Hanging On de The Darkness. Hein? Tu répètes ce que le gars il disait? C'est ça. C'était pour répéter que c'était pas la pièce que j'avais annoncée. Au retour de la chronique, il y a tout ce qui est de Laurie. Restez là. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. 7h31 avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Ben oui. Oui. Et c'est toujours donc cette émission matinale en pièces détachées. Et vous le savez peut-être pas, parce que c'est une fois par mois, donc on s'en rappelle plus à un moment donné que ça a eu lieu il y a un mois. C'est pas vrai. Ah non, t'es en train de me traiter de pas mémorable. Non, t'es très mémorable. Moi, je me rappelle de toi. Jean-Philippe était pas là il y a un mois, fait qu'il était pas encore présent. Hein? Ben pourtant. T'étais présent, mais t'étais pas là ce jour-là. C'est ça que ça veut dire. C'est ton deuxième jour quand t'as raté. Non. Donc, Laurie Gauvin qui est là et elle a sa chronique tout ce qui est de Laurie. Ben oui, bon matin. Nouveau nom pour cette chronique-là, bon matin. Oui, ben en fait, la dernière fois, on a parlé de Partemix. On se souvient, le sac de chips, là, qui a beaucoup de variétés dedans. C'est très, très bon, mais ça fait dance floor un petit peu, on dirait. Ben c'est ça, on s'est dit là, le matin, les gens vont nous éviter si on s'appelle Partemix, alors... Le tout ski, ça pourrait porter aussi à confusion. Peut-être que les gens vont penser que c'est des restants pas bons. Ouais, c'est vrai. Mais non, ce qu'on veut dire par tout ski, c'est... Tout ce qui m'intéresse, tout ce qui... Est bon. J'avais pas pensé, ouais. Moi, je me disais bon tout ski, tu sais. Oui, un bon tout ski. On aime ça avoir, tu sais, mettons, le lendemain de l'action de grâce, là, tu te manges un sandwich à la dingue, là, tu sais. J'ai jamais fait ça, mais j'imagine que ça doit être très bon. Ben, le lendemain de Noël, mettons. Mettons, du jour de l'an. Mettons, ouais, jour de l'an. Ou de l'Halloween, tu manges tes bonbons. Ah, oh, ça me rappelle ma jeunesse. Tu manges la citrouille que t'as pété. Miam! C'est la tête de quelqu'un que t'as tué, fait qu'il faut que tu t'en mettes de bonne humeur après l'aventure. Donc, Laurie Gauvin et Jean-Philippe Charbonneau, vous connaissez maintenant? Oui, c'est fait. Oui, on a fait connaissance. En onde, j'ai encore oublié de les présenter, donc en onde, je me force un peu. Fort aimable. Donc, qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous apportes, là? Écoute, aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de temps de jaser parce que j'ai un dossier musical assez chargé à vous présenter. Mais j'imagine que c'est bien le tout ski aujourd'hui qui va être beaucoup plus en musique. On sort la louche et on brasse ça à profusion. Ouais, c'est ça. On verse dans notre oreille. Ben voilà, c'est bien dit, je trouve. C'est très laid. Mais oui, alors, j'ai peut-être deux, trois petits trucs que j'aimerais discuter avec vous tantôt. On va bien rire. Mais je pense que j'aimerais ça commencer pas mal tout de suite avec un bon réveil tout doux. C'est en fait le nouveau single de Ivan and Alyosha. Un band de Seattle qui sortent leur single Running for Cover. Donc, une belle balade matinale. J'espère que vous allez aimer. On l'écoute dans le tout ski de Laurie. Ah, son âge requis. If I could wake my crooked heart, if I there right from the start to feel what it was like to be turned on. If you could fight the battle and win, to miss the mark correct within, if your wish came true, your dreams may run into hide. Alors, c'était Ivan et Alyosha avec Running for Cover. Comment vous avez trouvé ça, les garçons? Ben, on se dandinait. Oui, vraiment, très, très bon. Ça m'a fait penser à du vieux Dead Cab for Cutie. Oui, on aime ça. Que j'aime beaucoup, moi. Ouais. Le matin aussi, là, ça réveille bien. Toujours dans l'idée du réveil progressif. Oui, tu fais ça graduellement, pas brusquer les gens, là, comme une météorite qui tomberait sur la Russie. Ah, là, celle-là, tu me l'as enlevée de la bouche. Actualité! On parlait d'actualité en rond, on se dit on devrait rattacher chaque pièce à de l'actualité. Ouais, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ah, oh, ben, il paraît qu'il y a eu un météorite en Russie. Ah, parce qu'il n'y en a pas parlé nulle part. Non, c'est ça, personne n'en a parlé, non. Donc c'est les actualités ce matin. Breaking news. Chance que je suis là. Hein? Oh oui. Oh non, c'est toujours le Touski de Lori où elle nous présente la nouvelle musique. Bon, bonne, hein? Ben, des trucs que je suis tombée dessus, en tout cas, qui sont assez récents. Donc, ouais. En espérant vous en faire découvrir. À date, c'est ça. Parlant d'une belle découverte musicale, cette semaine, ben, en fait, ça fait un petit bout que j'avais entendu leur premier single, Keep You. Le groupe Wild Bell. Oh, c'est bon, ça. Tu connais ça? Ben, un petit peu. J'écoute ces temps-ci beaucoup MTV Canada. Ils jouent aucune musique nulle part. Là. C'est vraiment pas dans leur mode de jouer de la musique. Mais quand ils en jouent des clips, Wild Bell, c'est très, très bon, tu sais. Ouais, ça a l'air très mode, leur clip, hein? Ouais. Mais bref, un groupe de Chicago que j'ai eu la chance de voir en spectacle samedi dernier au Club Soda, qui était en première partie de Taureau et moi. Puis, selon moi, il aurait pu avoir la première partie aussi, je les aurais mis à égalité. Mmh. C'était, ils ont donné vraiment un bon spectacle, j'ai trouvé. La chanteuse me rappelle un petit peu des airs de Amy Winehouse. Elle a une petite saveur jazzy, un peu reggae. On voit qu'il s'inspire vraiment des racines de quelques styles musicaux bien appréciés. Donc, j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, je voulais vous la faire écouter. Là. Je pensais pas arriver aussi vite avec ça, mais pendant qu'on en parle, ouais, on le fait-tu? Ben oui. Comme un météore. Tel un météore. Comme le pape qui démissionne. Oh! Oh! Tu m'enlèves toutes mes jokes. Là, t'sais, j'ai lui-même préparé de jokes, puis ton script, je fais juste les cocher. Everything. c'était Wild Bell avec Keep You, extrait de, ben en fait, single de leur nouvel album Isles, qui est prévu pour sortir le 12 mars 2013. Si je me trompe pas, c'est la veille de l'album de David Bowie. On disait la fête à David Bowie. Ah oui, OK. Pas dans le même genre de musique, ben, mais. Deux styles différents, tu sais. C'est bien. J'aime beaucoup Wild Bell, je trouve ça vraiment cool. Oui, ouais, c'est bien, j'aime ça aussi. Là, on parlait de plugger des actualités, hein, parce qu'on fait si bien ça. Un grand succès jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, hein? Le pape. Oui, on y avait. Pas... Ah oui, c'est vrai, on y avait pas pensé. Ouais, pas c'est pensé, ça, c'était pas pire. C'était pas pire. Eh boy. On avait sorti une couple la semaine passée, mais là, celle-là, pas pensé, c'était bon. Ouais, nos jokes sont fragmentaires, ouais. Comme une météorite. Oh! Hey, on rattache le tout et... Terrible! Terrible! On galope, on dirait qu'on galope comme un cheval. Comme la viande de cheval dans oui, dans le bœuf. Dans le bœuf. OK, ouais, mais ça, on en a parlé pendant la pause. Il n'y a personne qui connaît ouais, l'histoire. Ouais, la nouvelle a fait le tour de toute la planète. Là. Tous les bulletins de nouvelles ont parlé de ça, là, l'affaire de viande de cheval, pour vrai, non? C'est juste moi, parce que moi, je suis au courant, puis je suis pas l'actualité du tout. Là. C'est la nouvelle toune, là, du chinois, là. C'est une toune. Comment? Oh j'ai tout raté, ma joke. Ou pas viande de cheval, non? C'est ça que tu voulais voir. Exactement! Oh non! C'est de la viande de cheval. Ah non, c'est mauvais. Terrible. T'es quasiment aussi mauvais que Gary Amstel, d'ailleurs. Vraiment. Pardon, je suis vraiment expressive sur mon opinion pour celle-là. On peut-tu manger ça à la place de manger du cheval? Le chanteur également. Ça, ouais, je suis pas sûre que ça serait remarqué. Je vais aller voir un psy. Ouais. Un psy, oui, c'est ça. Oh, bravo. Très bien, plugué. Vite, ça gâche. Hey, mais j'ai une bonne actualité en lien avec ça. Ben, okay. Actualité, okay. Attendez, là, okay. Si vous n'êtes pas au courant, on s'en reparle. Okay. Gang Hamster, c'est quoi le nouveau? Qu'est-ce qui a été acclamé, le nouveau Gang Hamster? Peut-être vous avez entendu parler du Harlem Shake. Oui. Ouais. On a quasiment pensé en faire un pendant la pause. Oui, on a peut-être un concept si le temps. Si le temps nous le permet. Je pense que c'est vraiment pas approprié, par non, contre. C'est sûr. J'étais prêt, moi. Là, ça brise vraiment le réveil progressif. Ben, Colin. À moins qu'on. Moi, non, je suis pas game. Non, t'es pas game. Parce que, tu sais, on n'a pas de web télé. On n'est pas comme, tu sais, on n'a pas de web télé. De toute façon, non. Les animateurs mettraient toutes leurs casquettes dessus, leurs 500 modèles de casquettes, mettraient tout ça sur la caméra. Mais. Il y en a une. Oui, c'est ça, il y en a une, mais. C'est pas pour la télé. Pas pour la télé, là, pas pour être diffusé, tu sais. Fait que, tu sais, si on faisait un Harlem Shake à la radio, ça pourrait être cool, tu sais. Tu sais, il me semble. Fait façon, que, dans le fond, ça serait comme imaginaire. Tout le monde, c'est libre. À la façon Radio-Canada. Je sais pas si est-ce que. Oh boy, ok, t'en as un, toi t'es prêt, tu veux le faire, hein? Je suis pas sûr, j'aimerais ça essayer, je sais même pas si c'est ça. Colotte! Oh non! Ok, là, tout le monde est là, puis parle normalement. Ouais, ouais non, c'est normal. Ça, là, tout le monde est normal, puis là, quand ça part. Mais il y a comme juste Mathieu qui se shake. Fou. Ouais, là, il y a quelqu'un qui shake les épaules, moi j'ai un masque de lapin. C'est parti. Ah, puis là, tout le monde, c'est ça dessus, là. Wow! Alors, beaucoup de bris de matériel ici. tout le monde se pitch par 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $. Qui dit mieux, qui dit mieux? Évidemment, je suis en bédaine huilée. Ouais. Ça termine très bien ton extrait, ça, Mathieu. Alors, qu'est-ce que le Harlem Shake, de où ça sort, cette affaire-là? Non, mais sérieusement, ça me surprend parce que moi, j'ai entendu parler de Bauer avant de connaître le phénomène Harlem Shake. Et puis, là, je suis tombée là-dessus par hasard. Tu sais, comme quand tu cherches une toune sur YouTube pour l'écouter, exemple. Ouais. Puis là, je tombe sur la vidéo, je me dis, oh boy, c'est flyé ça. Puis là, je vois dans la liste qui défile à droite que des milliers, ouais. d'exemples de Harlem Shake au bureau, Harlem Shake... dans le salon chez vous avec tes potes. Dans le métro de Montréal. Dans le métro de Montréal. Ils sont toutes, là. L'armée norvégienne. Oui, Université de Concordia. Tout le monde l'a fait. Mais bon, la question qui me vient en tête, c'est pourquoi? C'est pourquoi le blues pas? De février. Les gens, il y avait vraiment besoin de se rattacher à quelque chose. On dirait que ce qui est le fun là-dedans, c'est, tu sais, moi, je ne tripe vraiment pas, puis je comprends pas l'engouement, puis je trouve pas ça drôle. Juste pour. Mais, c'est comme chaque vidéo dure 30 secondes, fait que tu peux en écouter plusieurs heures. Pas plusieurs heures, plusieurs dizaines, sans que ce soit vraiment fatigant. C'est pas comme un Gangnam Style ou la parodie de 3 minutes ou une parodie de Call Me Maybe, mettons, tu sais, que ça dure 3 minutes. Ça tombe tout un peu dans le même bateau c'est rendu ça. Là, parce que, en fait, le 14 février, sur YouTube, on comptabilisait 40 millions. Petit succès underground. 40 millions, là, excuse-moi. 40 000. 40 000, OK. Peut-être qu'à l'époque, c'était. Ouais, c'est trop de même là, 40 000, c'est même plus un succès underground. 40 000 Harlem Shake différents. Ouais. Pour, sérieusement, 175 millions de vues. Aïe, hein? Ouch. Ouch. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire un Harlem Shake? Un casque. Oh. Ou un masque. Ouais, c'est ça. Donc, idéalement, on a trois éléments, je crois. Durée de 30 secondes. Oui. Une personne habillée bizarre en plein milieu de la scène. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, une gang de gens pour faire la deuxième partie. Ah oh, non, ben en fait, ça prend... Ouais, ça prend une belle gang qui t'accompagne. Puis, il faut absolument aussi bouger les épaules et le torse de façon déconstructive. Comment on dit ça? Déconstruite? Déconstructive. Faut que tu te démontes. Décapitation ouais, nécessaire. Non, mais sérieusement, faut juste vraiment pas que ça ait de flow. Non, c'est ça. Faut qu'il y ait une coupure puis que ça danse tout croche. Ouais. Puis c'est ça, ça prend une personne déguisée absolument. Et voilà, lâchez-vous lousse. C'est une recette gagnante. Hey, mais c'est drôle, j'ai trouvé l'origine de ça. Saviez-vous que la danse remonte aux années 86? Puis on appelait ça, en fait, c'était comme une secousse alcoolique. Ah! Alcoholic Shake, qui appelait ça en anglais. OK. Alors, ça vient de là, le Harlem Shake. Il a été repris dans un clip de P. Diddy, il paraît, en 2001, si je ne me trompe pas. Mais c'était pas la même chose. Puis là, le Harlem Shake qui prend son envol. Dans fond, c'est, moi, hein? C'est le dernier petit spasme, tu sais, quand t'es trop sous. Ouais. C'est comme ça. C'est pour exact. Ça qu'il faut que ça soit genre. Ouais, je pense. Il y a des bonnes chances que ça vienne de là, en fait. Mm. Bon, alors, c'est dit, c'est fait. Harlem Shake, assez fou. C'est la mode de la semaine. Ouais. Et c'est pas pire, ouais. C'est ça. OK. Est-ce qu'on poursuit en musique? Oui, allons-y. Avec quelque chose d'un petit peu plus smooth. Donc, Foxygen, c'est en fait un nouveau groupe que j'ai découvert. Leur album, en fait, leur LP, qui est sorti le 22 janvier, qui s'appelle We Are the Ambassadors of Peace and Magic. Donc, c'est un duo formé de Sam Frantz et Jonathan Rado. Vous allez voir, ils ont une influence très rétro. C'est du nouveau rétro, un peu dans le même style que je vous parlais de Tame Impala, qui avait vraiment des influences psychédéliques, tout ça. Donc, j'aime vraiment, évidemment. Puis, on vous présente aujourd'hui leur single de leur nouvel album qui s'appelle Shuggy. Voilà. Quoi ça? Tout ce qui vous arrive. Assemblage requis. Off the floor and drinking tea, but she don't love me. That's news to me. I met your daughter the other day. Well, that was weird. She had rhinoceros-shaped earrings in her ears. But hey, man, have a soda. It's on the house. Remember what I told you about the rooms inside this house. But you don't love me, that's news to me. That's news to me. That's news to us. Voilà, c'était Foxygen avec Shaggy. Bon, bon, bon, bon, bon! Bon, c'est quoi beau, l'affaire ça. De choisir de la bonne musique demain? Ah, merci. C'est alors, vous avez reconnu les influences, hein? On dirait une petite saveur de Kings, Velvet Underground, Olivia, Tremor Control aussi, peut-être. Okay. Il y a d'autres tunes qui ressemblent à Zombies. Vous irez voir San Francisco, elle est super bonne la tune. OK. Alors voilà. C'était ça. Hey, là, on est dans le jus parce qu'il nous reste deux tunes à mettre. On file, là. On n'aura pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste. Est-ce qu'on écoute The Shins finalement? Oh, ça serait le fun. Je l'aime tellement. Ça est-ce finit que... bien le réveil progressif. Est-ce que tu nous la présentes, rapidement? Oui, rapidement. Alors, c'est. Ben, en fait, c'est un remix de The Shins par Rack. Donc, Rack qui. J'allais dire en anglais, stands for, pardon. Veut dire ou. Signifie, en fait, l'acronyme de Remix Artists Collective. Okay. Eux font des super bons remix, c'est vraiment électro catchy. Donc, un remix de la chanson de Shin, Sleeping Lessons, que je vous présente pour terminer le réveil progressif. On écoute ça, puis on se revient après pour juste dire au revoir. Ben oui. Laurie. On est de même, nous autres. Go. C'est le tout ski de Laurie, on est de même, nous autres. Ça veut rien dire. Without till the need seeps in your love anymore. Collect your novel petals for the stem and glow, glow, melt and flow. Eviscerate your fragile frame. Spill it out on the ragged floor. A thousand different versions of yourself. And if the old God still offends, you depend. So enlist every ounce of your bright blood and off with their heads. Jump from the hook. You're not obliged to swallow anything you despise. See those unrepenting buzzards want your. Got in her eyes, as sure as you have eyes. They got in her C'était The Shins, Sleeping Lessons, The Remix par Rack. On est dans le jus, là. Il nous reste 2 minutes, puis on a trop de choses à dire. Trop de choses à dire, mais on se dépêche dans tout ce qui est de Laurie. T'as eu un petit flashback, je pense, 90s. Oui, on parlait de ça pendant la pause, justement. Écoute, faut que je vous en parle parce que je suis envahie par les années 90. Depuis une semaine, on dirait que tous les événements s'enchaînent pour me rappeler les bons souvenirs des années 90. Voyons. Ça a commencé avec... en fait, jeudi dernier, j'ai eu la chance d'être arbitre pour une course de Slinky au Temple. Course de Slinky. Oui, oui. Je t'ai dit, ça se déroulait pour la Coupe du Temple, là, la Coupe des Assauts. Okay. Puis donc là, j'ai redécouvert le Slinky en belle forme, là, le fluo, toutes les couleurs. J'ai capoté, j'ai joué au Slinky toute la semaine. Ensuite, vendredi... Bon, pas toute la semaine, là, j'exagère. T'ambitionnes un peu. Ouais. Moi, j'imagine toujours Jim Carrey quand on parle de Slinky là, dans Ventura. Dans Ventura, la scène Slinky, sur YouTube. Slinky. Je me rappelle justement que j'ai visualisé la semaine dernière. Mais tu sais, il est en haut de... La muraille de Chine, ça? Ouais, mais je sais plus. Voilà. Je pense que c'est une pyramide, en tout cas, quelconque. Là. Il y a beaucoup d'escaliers, puis... Il fait descendre son Slinky, puis... Il descend plus. Ça arrête à la dernière marche. Ouais. Oh, désolé pour ceux qui l'ont pas vu. Oh, come on! Tu vois le punch. Allez voir sur YouTube. Donc, là, ça finit par complètement dérailler ton affaire. Là, t'as commencé à aimer les pogs. Ouais, non, c'est ça. Vendredi, un gros merci à Jimmy, d'ailleurs, qui m'a donné des pogs à l'embuscade. Je travaillais, puis il y avait des pogs plein les poches. Il en donnait à tout le monde. Aïe. Fait qu'on a joué au pog, mais là, on n'avait pas de slammer, fait que c'était pas une vraie game. Tu peux pas jouer au pog sans slammer. Voyons. Non, mais on s'est échangé dans le fond. C'était comme des cartes Pokémon, mais oui. Pog. Pog. Fait que d'ailleurs, je t'en ai apporté un petit cadeau. Arrête d'autres, ben non. Ben oui. Ben là, t'es dans mes films. Oh. Merci. Écoute, il y a un sapin de Noël dessus. C'est écrit Christmas tree. Il est cheap, celui-là. Il est comme tout en carton mou. Mais merci. C'est super. Tu vas pouvoir le mettre avec ta bille qu'on a trouvée derrière. Oui, dans le on se fera de la bille depuis des semaines. Ça va. Oh mon Dieu! OK, ben là, on parlait de nostalgie. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Que c'est ça, c'était beau les années 90? Oui, puis le flashback revient, fait que j'imagine que bientôt à la télé, on va commencer à rejouer les émissions de notre jeunesse à VRAC TV, puis tout ça, ce serait le fun. J'aimerais ça Radio Enfer. Ah, c'est joué à Prise 2 encore, c'était ça. 2000, oui. Ça, par exemple. C'était 96 à 2000. Ah ouais. Bref, on s'est avec un succès souvenir, si on veut. Ben oui, on finit ça en beauté, parce qu'on aimait ça, les années 90. C'est ça, puis après ça, on revient, puis on va parler de QTR en spectacle. Hanging round downtown by myself, and I had so much time to sit down and think about myself, and then there she was, like double cherry pie, yeah, there she was. Like disco superfly. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was. In platform double suede, yeah, there she was, like disco lemonade. Yeah. I smell sex and candlelit hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream, yeah. Yeah, mama, this surely is a dream, yeah. Yeah, mama, this surely is a dream, yeah. I smell sex and candy hair. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Dig it. Yeah, mama. Marcy Playground. Et la pièce Sex and Candy à Assemblage Requis, c'est ce qui termine le tout ski de Laurie. Oui! Merci, Laurie. Hey, merci de m'avoir invité. On a eu du fun. On trouve Laurie Gauvin toutes les deux semaines ici à Assemblage Requis. Et oui, c'était bien le fun. Tu nous as rappelé des choses. Des bons souvenirs. Pog! Bonne journée à tous. Bonne journée. on prend une petite pause. On revient après avec UQTR en spectacle 2013. Karine Attardy sera avec nous, bien sûr. Oui. Et nos participants du jour, Jean-François Chapdelaine et Olivier Miquelette, chant, guitare et percussion. On leur parle en quelques minutes. Après ça, Michel Lebrun. Oui. Ça connaît panier à salade et à 8h40 environ, Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta. C'est ce qui vous attend, alors restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 19 février 2013. J'avais l'air de ne pas savoir où je m'en allais avec ça. Il est 8h08 et Jean-Philippe Charbonneau est devant moi. Mathieu Plante est aussi devant moi. Oui, merci. C'est... Ça a du sens, finalement. Ouais. Karine Attardy est à notre droite et gauche simultanée, ça va? Bon matin, ben oui. Dépendant du bord qu'était. Et UQTR en spectacle 2013, c'est notre sujet à tous les jours, 8h, pendant encore une semaine et demie. Ouais. Jusqu'au spectacle. Jusqu'au spectacle qui a lieu le 28, exactement. Ouais. On en parlera après. Pour l'instant, on reçoit deux autres participants. En fait, ils sont ensemble à UQTR en spectacle 2013 en tant que groupe. Oui, tout à voilà. fait. Bonjour. Bonjour, Jean-François Chapdelaine et Olivier Miquelette. Qui est qui? Moi, c'est Lié. OK. J'entends, moi, c'est Jean-François. Jean-François Chapdelaine. Voilà. Chapdelaine. Donc, quel est votre domaine d'étude pour commencer? On est tous les deux des historiens ou en train d'essayer de le devenir. Oui. On souhaite que ça fonctionne pour vous. L'histoire nous le dira. Oh! Ça, ouais. Vous avez un groupe de musique? Oui, tout récent. C'est un projet au début bien inoffensif. Puis on s'est aperçu, si on voulait pratiquer, il fallait aussi faire que tu aies un spectacle. Fait qu'on s'est dit, ben attends, pourquoi pas l'essayer? Ben oui. Et c'est quoi votre style de musique? C'est quoi le nom de votre groupe? Ben, le nom du groupe, c'est James Wolf Duo, en référence à, justement à notre domaine d'études. Puis le style, ça apparente un peu à du folk. C'est très folk, je vous dirais, mais avec une grosse tendance planante. OK, ben, parfait, c'est super bon. Quelles sont vos inspirations des artistes que vous aimez dans la musique? Je suis énormément influencé par tout ce qui est Carquois, Louis-Jean Cormier. OK. J'ai aussi Bon Iver, puis je dirais tout ce qui est Plants and Animals. OK. Ça retrouve un peu dans ce style-là. Ouais. D'excellents choix, des choses qu'on joue assez fou fréquemment. Qui écrit les chansons, qui compose dans le groupe? C'est moi, ouais, lui qui compose toutes les chansons en guitare-voix. Puis après ça, Jeff, ça fait un plaisir de mettre... Ouais, ça devient un travail d'équipe. Après, Olivier va arriver, va dire, bon, ben là, moi, les gars, j'ai pensé à ça hier chez nous dans ma douche. Puis je dis, qu'est-ce que ça donne? Puis finalement, on se met à travailler là-dessus, puis... Il y a une belle connexion. Souvent, on travaille pas longtemps, on s'aperçoit qu'on a de quoi entre les mains. Fait qu'on ça va bien, ouais. Cool. J'aimerais vraiment ça avoir un extrait musical à faire jouer, mais on n'a rien à faire jouer en ce moment. C'est dommage. Il va falloir être à UQTR en spectacle 2013 pour vous découvrir. Est-ce que vous faites d'autres spectacles autour de ça? On en a fait deux ou trois. En fait, au début, ce projet-là, c'était très innocent. C'était pour le petit concours que la JOC organisait à la Chasse-Galerie. Oui. Un petit concours de talents musicaux. Ramasse les gars d'histoire, on savait qui jouait de la musique, fait que on se met à jaser, fait que on décide de faire ce petit spectacle là, on veut se pratiquer, pas de place pratiquer, pratique dans on va voir la SAE. Je lui dis, ben, vous pouvez pratiquer ici si vous faites écouter un spectacle. Menaces. Ben ouais. Fait que, gros merci à Martin Lambert d'ailleurs. On commence à faire ça. Fait que là, le petit show à la Chasse-Galerie, quelqu'un nous dit, hey les gars, vous étiez pas mauvais. On a fait un petit show pour les jeux de la communication, là, écouter un spectacle. Éventuellement, peut-être. D'autres shows, là, les gens qui viennent nous voir souvent qui nous disent vous étiez pas mauvais, vous pouvez venir faire une tourne ou deux dans mon événement. Fait que on y va avec ça. Okay. On se laisse aller là-dessus. Est-ce que vous avez un site internet, un Facebook pour aller vous retrouver? Hey, si tu savais, pas en tout. On se connaît. On joue ensemble. Notre premier jam, on a fait ça au début de décembre. C'est tout frais. Moi, je suis surpris de la vitesse à laquelle ça va. Okay. C'est très embryonnaire. On ne sait pas où on s'en va avec ça. Mais aussi, que ça se développera et qu'il y aura d'autres nouvelles, vous nous en reparlerez. On vous réinvitera à l'émission. Parce que, ça serait super. C'est prometteur, votre affaire. Bon. On n'a pas le temps pour un extrait musical dans le milieu, par contre. Karina, est-ce que tu as envie de poser tes questions? Ouais, ben j'avais envie de savoir une petite anecdote, là, quelque chose de cocasse. Je sais que ça fait pas longtemps. Premier show qu'on a fait, parce qu'en fait, le James Old Duo, c'est l'espèce de... C'est l'élément acoustique d'un band plus large. On aime appeler le James Wolfe Band ou Orchestra, ça dépend de quel pied on se lève. Olivier, il rit déjà, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'il y a. Et puis, le premier spectacle qu'on a fait, en fait, les membres originaux du band, il y a moi, il y a Olivier, moi la batterie, Olivier guitare chant, il y a Mathieu Pinard à la guitare rythmique, puis il y a Francis Bergeron à la basse. Et puis, le premier spectacle, Mathieu Pinard, c'était son premier spectacle à vie avec un band. Et puis, quand on a commencé la première chanson, il n'avait pas accordé sa guitare. Fait qu'on a fait les 3-4 premières notes en se regardant, disons, qu'est-ce qui marche pas. Pourtant, on a l'air correct. Puis finalement, les gars, excusez-moi, j'ai pas accordé mes affaires. Fait que le premier spectacle, on a parti du mauvais pied. Une erreur de vie. Ouais, c'est ça. Bon. Ben merci. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance à écouter en spectacle 2013. Mm-hmm. Et on vous suit. Si vous avez quelque chose, on est là, nous autres. On t'enverra un email. Merci. Puis les suivre sur la page Facebook aussi, là, dès 9h, là, on va mettre l'entrevue et les photos de ces jeunes messieurs. C'est parfait. On rappelle, je crois que c'est aujourd'hui la conférence de presse. C'est demain. Demain. Ce soir, c'est des burgers à la Chasse Galerie. Oui. Ouais. Puis okay. Demain, c'est la conférence. Et jeudi prochain, pas cette semaine, mais l'autre, c'est le spectacle. Voilà. Oui. Et on en reparlera d'ici là. Karina Tardy, oui. Merci beaucoup, toi aussi. Merci à vous. Et merci à Jean-François Chapdelaine et Olivier Miquelette. Bonne chance encore une fois. Merci à vous. Dans quelques minutes, on parle avec Michel Lebrun pour l'instant, c'est Fox de Caïmoulette. C'est fou. Drôles oreilles. Je voulais pas couper ton rire, excuse-moi. Non, tu l'as-tu vraiment fait? Non. C'est fou dans vos oreilles. On parlait de choses que j'ai passé. Vas-tu continuer de parler longtemps? Quand je veillais juste à l'eau, on va le faire. OK. Mange donc. Je ne rêvais pas de prose ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ah, donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Ah, je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en va pas. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ourse, en train de boire à la source. J'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-goutte. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose. Ne t'en va pas.

La liberté remet sa casquette de John Deere. On en met dans le camion puis on part en cavale. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage requis. Stéphanie Paradis fera le survol du plus récent numéro du journal Zone Campus. Et un autre grand retour après Kiwan aujourd'hui, on aura Marie-Pierre Lafourche-Bourret qui nous ramène une chronique variée qui va parler de cinéma. Demain, on c'est mercredi matin, Assemblage requis, vers les 7h, mettons, à peu près. 7h09, genre? 7h09. Non, 7h09. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Je veux dire, si on commence, tu vois, elle aussi, elle dit à 9h. Oui. Si on est déjà assez en retard de même, si on commence l'émission à 9h, à 7h09, aïe aïe, on va être vraiment trop en retard. C'est, on n'est pas fini. Voici Kiwan en cavale qui est de retour. On amène son intro avec son petit camion, puis après ça, on va vous parler de lui un petit peu. Salut Kiwan! Bonjour! Enfin, il est de retour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Très, très bien. Je te présente Jean-Philippe, Kiwan, Jean-Philippe, Kiwan. Salut! Bonjour, enchanté! On peut le nommer comme co-animateur remplaçant de François-Olivier Marchand en ce moment. C'est comme ça que ça se passe. Et Kiwan, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être que Jean-Philippe le connaît un petit peu moins, c'était le premier animateur d'Assemblage Requis à l'automne 2009. Il a fait automne 2009, hiver 2010. Après ça, il nous a quittés pour l'Alberta. Et là, il a commencé à faire des chroniques. On l'a perdu il y a quelques mois. Et là, il est de retour. Et ça fait du bien. Ben, je m'ennuyais trop de vous, c'est pour ça. Ah, on est irrésistiblement, hein, gentil. Et aussi, je me faisais harceler par Mathieu, faut le dire aussi. Là. À chaque début de session, Kiwan veut survenir. Kiwan veut survenir. Je suis de même, moi. Les gens qu'on aime, on veut les revoir. Un peu comme Marie-Pierre Laforge-Bourret qu'on va revoir demain. Donc, vraiment, les deux vétérans d'Assemblage Requis qui sont de retour la même semaine, c'est incroyable. Est-ce que tu continues dans le même principe? C'est de la musique. Est-ce que c'est canadien cette année encore? Ce matin, du moins, ce sera pas exclusivement canadien. J'ai un groupe canadien et un groupe américain que vous connaissez. En fait, aujourd'hui, j'ai une nouveauté et une vieillerie. Oh! Vieux jeu old school! Oui, donc je commence tout de suite. Vas-y, Kiwan. On t'écoute. D'accord. Donc, premièrement, je vous parle du groupe Boats, qui est un groupe de Winnipeg. Je sais que l'année dernière, je vous avais parlé de quelques groupes de Winnipeg. J'avais fait un genre de chronique spéciale Winnipeg même, sauf que j'avais pas parlé du groupe Boats. C'est un groupe qui existe depuis quand même quelques années et qui ont quand même une certaine reconnaissance là, sur la scène musicale de Winnipeg pour ce qu'elle en est, là, pour l'importance qu'elle a. Donc, c'est un groupe. C'est plutôt le troisième album du groupe qui s'appelle A Fairway Full of Miners. Il est sorti il y a deux semaines environ. Et vous allez voir, quand vous allez entendre les deux pièces, j'ai choisi deux pièces de cet album-là. Au premier abord, ça a vraiment des sonorités très, très clichés, je dirais, du indie pop, indie rock, tu sais, les petits xylophones et toutes ces mélodies qu'on est un peu... Tout dépendamment si vous aimez ce style-là, ça se peut que vous soyez un petit peu tanné. Moi, personnellement, je trouve que ça commence à devenir un peu redondant. Puis il faut que ce soit bien utilisé, disons, pour que ça ait un bon effet. Il faut vraiment que le groupe sache très bien l'utiliser. Parce que sinon, si c'est juste fait de façon sommaire, là, disons que c'est des xylophones et autres arrangements clichés, là, je commence un petit peu, à avoir ma dose. Ouais. Donc, vous allez voir, au début, la pièce, là, ça sonne un petit peu cliché. Sauf que ce qu'il y a de particulier dans le son... qui est quand même très indie pop là, de Boats. C'est vraiment le petit côté trash. Vous allez voir vers la fin de la première pièce et surtout sur la deuxième pièce que je vais vous présenter, il y a un petit côté presque un peu punky des fois dans leur musique. Un petit côté sale. Ça me fait un peu penser au groupe Hot Panda de Edmonton qui eux aussi là jouent un peu sur la ligne entre le indie pop très catchy et le petit côté un peu plus trash. Donc c'est un genre de mélange un peu entre les deux styles. Excellent. C'est ça, je pense, qui fait en sorte que le groupe n'est pas juste un autre groupe indie-pop très cliché. Donc ça, ce sera pour Boats de Winnipeg. Et je ne vais pas ne pas parler, je ne sais pas si les gars, si vous avez entendu parler là, de l'annonce qui a été faite il y a quelques semaines du retour, en quelque sorte, du groupe Postal Service. Non, je n'ai pas entendu parler, mais ça m'intrigue là, tout d'un coup. Oui, ben c'est quand même une nouvelle qui a fait beaucoup parler. Peut-être pour ceux qui connaissent pas trop Postal Service, on peut peut-être en parler un petit peu brièvement comme ça. C'est en fait le groupe parallèle, le projet parallèle de Ben Gibbard, le chanteur de Dead Cab for Cutie. Oui, tu vois, j'étais pas sûr qu'il y avait quelqu'un. Il me semble que ça me disait quelque chose. Mais Dead Cab for Cutie, on en parlait plutôt dans l'émission, dans la chronique de Laurie Gauvin. On rattache tous les liens aujourd'hui, c'est bien. D'ailleurs, justement, j'ai écouté cette chronique-là et je trouvais ça très drôle, le petit moment de nostalgie avec Marcy Playground. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Marcy Playground? Est-ce que c'est brûlé, ça? Est-ce que c'était trop? Je trouvais ça drôle parce que, tu sais, pour la majorité des gens, c'est comme un moment nostalgique qui vient de loin, mais c'est le genre de musique qu'on entend couramment et en moyenne sur la moyenne des stations en Alberta ici, là, la moyenne des stations populaires. Donc, c'était pas vraiment nostalgique. Pour moi, je pense que je l'ai entendu comme la semaine passée, probablement. Donc, je trouvais ça drôle, mais bref, moi, c'est toujours bon de se rappeler quelques petits souvenirs. Voilà. Justement, pour les nostalgiques, là, Postal Service, c'est un groupe qui est sorti, en fait, comme je dis, c'est un projet parallèle, donc c'est pas un groupe dans lequel là, les membres ont investi, je crois, un maximum de temps et d'énergie, parce que le groupe a sorti seulement un album, et ça date de 2003, donc ça fait 10 ans cette année. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler, je pense que dans la définition là, d'un groupe culte, là, je pense qu'on peut vraiment appeler Postal Service un groupe culte, parce que le groupe a sorti un seul album, l'album Give Up, en 2003. Okay. On fait seulement une tournée à cette époque-là, en 2003, mais pourtant, le groupe continue toujours de faire parler de lui, même 10 ans après. L'album Give Up est devenu, a reçu la certification platine récemment. Donc, presque 10 ans après, ils ont vendu leur millionième album, parce que Platinum aux États-Unis, c'est 1 million. Donc, on parle pas quand même d'un groupe très underground. Il y a quand même beaucoup d'adeptes de Postal Service. Et je pense que la particularité du groupe, c'est vraiment que le groupe arrête pas de gagner en popularité, arrête pas de gagner de nouveaux fans. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé, pour le dixième anniversaire de la sortie de l'album, de faire un espèce d'album commémoratif. Donc, c'est un album qui va comprendre 25 pièces, dont le remix. Ben, en fait, c'est que c'est pas... Il y a seulement 2 nouvelles pièces. Okay. Il y a 2 nouvelles pièces originales. Il va y avoir l'album au complet remasterisé, l'album original remasterisé, plus 2 nouvelles pièces, plus tous les remixes qui ont été faits par Postal Service eux-mêmes, et peut-être même par d'autres gens. Donc, tous les remixes de leurs pièces qui ont été faites vont être inclus dans l'album, plus 2 versions, dont entre autres une version du groupe The Shins et un autre du groupe Iron and Wine qui avait fait des versions de cet album-là, de 2 pièces de cet album-là, donc vont être incluses aussi sur l'album. Avec il va y avoir aussi, je crois, des vidéos, là, il y a plein de trucs. Donc, c'est vraiment un gros album souvenir, mais c'est pas nécessairement beaucoup de nouveau matériel. Il y a 2 nouvelles pièces, dont une qu'on va entendre dans quelques minutes, qui s'appelle A Tattered Line of String, qui est vraiment là, très, très fidèle au son de Postal Service, qui est pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, là, puis qui ont juste entendu là, que c'était un projet parallèle de Dead Cab for Cutie. Ça n'a quand même rien à voir, là, je dirais, avec Dead Cab for Cutie. C'est beaucoup plus électro comme son, mais ça reste quand même très mélodique. C'est pas très expérimental. C'est vraiment un genre d'électro assez pop, avec des paroles, d'ailleurs, avec des paroles très mélodiques. Donc, ça reste quand même... pas très loin de Dead Cab, mais dans un style quand même différent. Cool, on va entendre ça à la fin du bloc tantôt. Voilà, et puis si vous êtes de vieux fans de Postal Service comme moi, ben sachez qu'il va aussi avoir une tournée qui va être attachée à ça. En fait, l'album, là, l'espèce de méga album 25 pièces va être disponible le 9 avril, et après ça, ils partent en tournée, mais vraiment dans des gros endroits. La preuve que le groupe est vraiment connu malgré leur courte existence. Ils vont faire, entre autres, Coachella en Californie, Sasquatch Festival en Washington, dans l'État de Washington, plusieurs tournées en Europe, plusieurs gros festivals, plusieurs spectacles aussi, dont des spectacles dont ils vont être la tête d'affiche. Puis évidemment, on est seulement au mois de février, donc il y a plein de festivals encore qui n'ont pas dévoilé leur programmation, donc je suis prêt à parier qu'il va y avoir d'autres dates qui vont s'ajouter. C'est le genre de groupe que je verrais tout à fait dans un spectacle, dans un festival comme Moshiaga. Donc, oui. Croisez vos doigts si vous êtes des fans de Postal Service au Québec. Peut-être qu'ils vont passer dans le coin. Je suis sûr qu'il va y avoir d'autres dates qui vont s'ajouter pour ce groupe presque mythique maintenant. On surveille ça, et de toute façon, tu vas sûrement nous en parler dans ta chronique qui va dans la cavale. On va te retrouver aux 2 semaines. Mais avant de te quitter, je peux pas te laisser partir sans te demander qu'est-ce qui se passe dans ta carrière phénoménale en ce moment en Alberta. Est-ce que tu es encore en Alberta? Où es-tu? Que fais-tu? Ouais. En fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, je crois que j'étais en plein cœur des prairies canadiennes à Medicine Hat. Mais j'ai déménagé depuis ce temps-là. Puis je dirais que là, présentement, je suis à Calgary, puis je suis en train de réaliser que j'avais un peu... Je pense que le fait d'avoir passé si longtemps dans les prairies, dans vraiment le la campagne. Oui, c'est ça, le bastion conservateur canadien, là, c'est vrai. C'est la vraie de vraie campagne. Le sud de l'Alberta, tu sais, faut aller là un peu pour comprendre ce que ça veut dire. Pour comprendre les conservateurs, là, faut aller un peu dans ce coin-là. Pas nécessairement les approuver, je vous dirais, mais bon. Non, mais non, j'espère. Hein. Donc, tu es rendu dans la grande ville, quoi? Calgary, c'est la grande ville. C'est ça, c'est la métropole albertaine, mais je pense que le fait d'avoir habité à Medicine Hat m'avait fait surestimer Calgary, qui même a été déclarée, je pense, en 2012, c'était la capitale culturelle du Canada, mais bon, finalement, je pense que la bulle commence à dégonfler, mon illusion commence à se défaire tranquillement. Un mirage. Oui, c'est vraiment un mirage dans le désert que sont les prairies. Mais c'est ça, c'est pas Calgary, là, c'est pas la ville au Canada où il se passe le plus d'activités culturelles, et c'est pas bouillonnant, disons, d'activités culturelles. Va falloir chercher un petit peu plus. Sinon, côté emploi, est-ce qu'aux dernières nouvelles, il me semble, c'était des graines de tournesol que tu livrais, hein, c'est-tu? Oui, ben je travaille toujours pour la même compagnie, mais plus dans les graines de tournesol, puisque j'habite plus dans le sud, puis... Il y en a moins, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est presque la... L'emploi que j'ai eu occupé le plus longtemps dans ma vie présentement en Alberta. Quand je suis venu ici, c'était plus pour un trip. Puis là, finalement, je suis presque dans la période la plus stable de toute ma vie ici en Alberta. Ah, ben, c'est. J'espère que t'aimes ça, du moins. Hein? Ben oui. Ah, je pense que j'allais pas te dire avant de se quitter, comme si on s'était pas parlé depuis comme 6 mois, c'est bien normal. Dans le temps, François-Olivier te demandait tout le temps une question de météo, donc j'imagine que Jean-Philippe va vouloir reprendre le flambeau. Quelle météo il fait en Alberta en ce moment à Calgary? Ouais, c'est quoi les sortes de nuages en fait en ce moment? Oh. Ah, ben je pourrais pas les nommer personnellement, je suis pas très intime avec les nuages. Mais je veux dire que cet hiver, on a vraiment, dans les 3 hivers que j'ai vécu, c'est l'hiver le plus doux qu'on a eu. Il n'y a presque pas eu de neige. Même dans les Rocheuses, les stations de ski, je suis arrivé là 2 semaines, puis il y avait des découvertes un peu sur les pistes. Et puis tout le monde qui font du backcountry, puis qui vont dans les montagnes, me disent qu'il y a vraiment beaucoup moins de neige que d'habitude. Puis ici, ça fait, en ville, ici, ça fait presque un mois et demi là, qu'il fait au-dessus de zéro, ben, tous les jours presque. Donc l'hiver est vraiment doux. Désolé de vous dire ça. Ah, ouais, parce que nous, c'est fret. On ne l'a pas dit aujourd'hui. Là, c'est dit. À chaque jour, on fait notre petit... fait frette, c'est ça. Donc, merci, Kiwan. On te retrouve dans 2 semaines. Comme j'ai dit, ça va être tous les mardis vers les 8h40 après la chronique d'Anne-Julie Durocher. Et puis, on se retrouve là dans 2 semaines. Ben, dans 2 semaines, les garçons. Merci. On écoute donc les 2 pièces de Boat. Il y aura Animated GIFs et Au Télescope. Et puis, suivra à la fin The Postal Service. Vous êtes dans la chronique Kiwan en cavale. Assemblage requis sur C'est fou. Yeah. We trained every time in the Lower East Side, and you failed to catch the train back to Queens. So you came to my room, we did some things that we knew not to do in the glow of the night's golden hue. You've got a tight line of string, and you tie round everything that you want to call your own, but it never seems to hold. When we woke, we agreed that we would not ever speak of this night to any. Postal Service et A Tattered Line of String. On aime ça en studio! Ouais, c'était bon. Ça faisait longtemps que j'en avais pas écouté. Ça m'aurait rappelé des souvenirs. Ça date de souvenirs. De souvenirs. J'ai entendu bonne main. Donc, The Postal Service, et avant ça, on a entendu deux pièces de Boats à Assemblage Rocky dans la chronique Key One en cavale. Je peux vous dire les titres, c'était Animated GIFs et Au Télescope. On remercie Key One. On le retrouve aux deux semaines, les mardis à 8h40 environ. Et c'est tout pour Kiwan en cavale. Et par le fait même, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Mais pas déjà? Ben oui, déjà. Bon, on se retrouve demain à 7h. D'accord. Pas à 7h09. Non, à 7h. À 7 à 9. À 9. Et demain à l'émission, on va avoir une belle petite émission. Stéphanie Paradis va être là pour parler du plus récent numéro de journal Zone Campus. On aura aussi un autre grand retour après Kiwan qu'on vient tout juste de vivre, là, ce grand retour-là après plusieurs mois d'absence. Marie-Pierre Laforge-Bourret est de retour. Elle qui a aussi co-animé Assemblage Requis avec moi. Elle va être là avec sa nouvelle chronique et elle va nous parler de cinéma demain. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Laurie Gauvin, number one. Karina Tardif, number oh yeah. two. Michel Brune, number three. Kiwan La Liberté, number four. Et nos deux participants du QTR en spectacle, Jean-François Chapdelaine et Olivier Miclette. Oui, monsieur. Five and six. Oh, oh. Five, six, seven, eight. C'est le retour du G.S. Rocky. G.S. Rocky. As Rocky. Ah, As Rocky, ouais, c'est le surnom de l'émission. As Rack. As Rack. Si tu veux le dire vraiment anglophone. Merci à toi, Jean-Philippe Chabot. Merci à toi, Mathieu Plante. C'est toujours un plaisir. Oh, c'est beau. Hey, tu sais qu'il reste juste deux jours à ton remplacement de François-Olivier. Hein? Oui, c'est, je sais. Ça se termine jeudi, ça. Donc, on fera quelque chose. On fera quelque chose de spécial, peut-être jeudi. On fera une dernière. Peut-être, on va célébrer. Peut-être. On se quitte là-dessus. Hey, bye. Bonne journée.